ceci. Chez nous à Kinshasa, il y a un aliment qu'on appelle chikwang. Vous connaissez la chikwang? Bah, pour ceux qui ne connaissent pas la chikwang, c'est du manioc, je crois, pilé, quelque chose comme ça. J'aime pas ça aussi. Hein? La chikwang. Alors, on enroule dans des feuilles. Alors, qu'est-ce qu'ils font? L'échantillon n'est pas totalement enroulé. Il y a une partie du manioc qui se voit et il y a une autre partie qui est dans les feuilles. Mais ce qui n'est pas vendu et bien enroulé, tu ne vois pas. Et des fois, il y a des chikwangs blanches, un peu jaunâtres. Alors, on te montre déjà la couleur en avance pour que tu saches ce que tu vas acheter. Lorsque tu t'habilles mal, tu es une chikwang désemballée. Et vous savez ce qui se passe avec les chikwangs désemballés? Les mouches viennent toujours sur la chikwang désemballée. C'est pourquoi tu es star. Tu as beaucoup de succès. Mais qui te suit? Les impudiques, les mouches. J'ai du succès, hein. Ce look me donne du succès. Non, tu as montré une partie de la chikwang. C'est pourquoi les mouches sont venues. Mais celui qui connaît l'hygiène n'achète jamais la chikwang désemballée parce qu'il sait qu'il y a des mouches. Il va dire, donnez-moi l'autre. C'est pourquoi les désemballés, on vous cherche quand on cherche l'impudicité, mais quand on cherche le mariage, on cherche les emballés. Ah oui, tu vois ma soeur, tu t'habilles en mini, des choses là. Quand quelqu'un cherche l'impudicité, il vient vers toi. Mais quand quelqu'un cherche une femme à mettre la maison, la mère de ses enfants, il dit, la soeur là, laquelle? Celle-là, la coincée là. Non, elle est belle. Coincée comme ça. Non, elle est belle. Elle a de l'assurance et de la personnalité. Pourquoi? Elle ne compte pas sur son look, mais elle a du caractère. Emballez vos chikwangs. Et chassez les mouches. Bien aimé, la mode n'est pas un problème, mais il faut choisir dans la mode ce qui est biblique. Ne vous habillez pas pour vous habiller, car le monde vous regarde. Ne vous coiffez pas pour vous coiffer, car le monde vous regarde. Avant de porter une robe, de porter un pantalon, une jupe, pose la question au Saint-Esprit. Est-ce que si tu étais une femme, tu porterais ça? Si le Saint-Esprit était une femme, est-ce qu'il allait porter ton pantalon? Si Jésus-Christ était une sœur, il porterait ce que tu as porté? Comme Christ, même dans ton pantalon, même dans ta jupe, dans ta coiffure, comme Christ. Le pantalon n'est pas mal. La jupe n'est pas mal. Mais évitez seulement l'indécence. Évitez l'impudeur. C'est important. La vie chrétienne d'un disciple au quotidien, c'est s'habiller avec pudeur. C'est discerner dans la mode ce qui est du diable et ce qui est normal. Mais quand vous vous habillez comme vous voulez, vous devenez une occasion de chute. Pour les païens et même pour certains faibles au milieu de nous. Et ce qui est dommage, c'est que lorsque vous cherchez à avoir un travail, être embauché, vous vous habillez correctement. Les mêmes personnes qui disent « Non, c'est mon style, c'est mon look. » Mais quand tu cherches un boulot, tu t'habilles classique. Mais vous êtes toujours en train de chercher un travail. Gagner les âmes, sauver les âmes. N'oubliez jamais que vous êtes sur la terre pour gagner les âmes. Vous êtes là pour gagner les âmes. Imagine, tu es une sœur, tu as chanté ici à un jeune garçon qui vient de se convertir ou bien qui est païen. Et quand tu as chanté, il était touché par la présence de Dieu, par l'onction de Dieu. Et tu ne sais pas que depuis ce jour-là, pour ce jeune garçon, tu es son modèle. Et un jour, il te rencontre dans une fête. La sœur est en donnée. Pourquoi c'est la fête? Il paraît que quand c'est la fête, il faut être impudique. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Mais nous au Congo c'est bizarre. Même les sœurs très spirituelles, le jour de la fête, tu dis c'est toi? C'est moi. T'as dormi où? Montrant leur dos, montrant. Et dimanche, Erika Bababa. Bien aimé, arrêtez de jouer à la vie chrétienne. Soyez des chrétiens.